On l'appelle Lucky Link du sud de la forêt. Il arrive au galop, le cow-boy des elfes. Ses coups sont plus rapides que son ombre. Et sa master sword va plus vite que l'éclair au sacré Lucky Link. Bang bang Lucky Link, bang bang Lucky Link. C'est lui qui a le truc pour nous étonner. Bang bang Lucky Link, bang bang Lucky Link. Oui c'est un elfe qui n'a peur de personne, même pas de galop. C'est lui qui a le truc pour nous étonner. Bang bang Lucky Link, bang bang Lucky Link. Même Ganondorf qui ne connaît personne a peur de Lucky Link. Et hors la loi où ils n'échapperont pas au coup de Lucky Link. Hi hi hi hi hi hi hi.